comme si on pensait à la mort. Comment ouais, je te frappe, moi c'est par bas, on pleure. Inter ou du cas vu, elles ne sont pas en paix. Et les autres sont pas. Pour la l'on a tout ce temps. Cook shit peu dans la chop. Belle est à gauche, mon gars, y'a les cops. Le pen, c'est la sauce. Dans le refou, mon gars, rien que ça bosse. Je prends des fois pour rien, c'est triste à dire. Tu me fais des joujoux quand tu vois le bif. Prends pas la tête, elle est remplie. Gros cul, et puis ça nous fascine. T'as tarté mes rien dans le cassis. J'ai vu les mecs bien partir trop vite. Je donne du point, y'a pas de surprise. En cas de besoin, t'es hors service. Matin, midi, soir, ici, ça vend la dope. Pas exprès, coquet au fond de la sacoche. Tu fais d'un malade, mais t'as rien dans les poches. Dans la tête, si tu touches à dans la concours, je glisse. Tous les jaloux, je leur fais un kiss. Tape un 06. On me dit souvent depuis que je fais le buzz. L'évolution est précoce. Avec un gain d'appui, c'est des forces. Toujours rêver d'être le boss. C'est ce que je veux conseiller à mes gosses. Si tu me tapes pas dans le hall, tu fonces dans le hall. T'as les dans la gova. Monte ce fort de la gova. Si à Bobé, nous on y va. T'as trop en l'air, ça tire sur toi. Depuis le début avec mes losas. Si t'es pas mon gars, on s'arrête là. Elle fait rêver comme si on pensait à la mort. Comment ouais, je peux croire quand c'est par le bas, on pleure. En terre ou du cas vu, elles ne sont pas en paix. Et les autres sont pas. Pour elle, on a tous le temps. Cook shit, peu dans la chop. Belle est à gauche, mon gars, y'a les cops. Weapon, weapon, weapon, c'est la sauce. Dans le refou, mon gars, rien que ça passe. Comme une patrouille de Kenji dans la zone. L'équipe à cartonne. Moi je suis là pour la monnaie. À la trick je suis abonné. Il suffit de charbonner. Tu parles de moi mais je te connais pas. T'es comme un koala. Et tu veux ce qu'on a. Non c'est pas comme ça. Dis-moi où t'as vu le buzz attire les mustos. Je les bêche, je suis pas un mytho. Dans le réseau je guette mes rivaux. Dans ma ware c'est je rigole solo. J'ai les nerfs. Trop sur un béton je les assume dans leur galère. Croya R on fait du but du cash. On n'est pas là pour plaire. Oh oh. Avec mes négros, oh no. Toujours la même deck, mais pas le même flow. Tout est cello. Yo, qui va dire c'est chaud. La peuf est nouveau, y'a que la pluie et du bon le jour. Elle fait rêver comme si on pensait à la mort. Comment ouais, je devais croire quand c'est par bas, on pleure. En terre ou du cas vu, elles ne sont pas en paix. Et les autres sont pas. Pour elle, on a tous le temps. Cook shit, peu dans la chop. Mon gars, y'a les cops. Weapon, weapon, weapon, c'est la sauce. Dans le refou, mon gars, rien que ça bosse. Toujours les mêmes.